Bonjour à toutes et tous et merci d'être présentes pour cette journée donc dédiée aux inégalités de genre dans les milieux de la culture. Donc comme vous le savez, demain on sera le 8 mars, journée internationale du droit des femmes. Donc date importante hein, parce que ça nous rappelle chaque année que beaucoup de progrès restent à accomplir dans la lutte pour les inégalités de genre, pour l'égalité des genres surtout. Donc c'est à cette occasion qu'avec Serge Proust, ici présent, qu'on a décidé d'organiser cette journée afin de dresser un état des lieux sur la situation dans les milieux de l'art et de la culture. Et donc à l'origine de cette journée, c'est le constat des profondes inégalités qui règnent un peu dans les milieux de la culture. Alors aujourd'hui, force est de constater que effectivement, les mondes de la culture ont une posture un peu paradoxale vis-à-vis des inégalités de genre. On voit que les enquêtes sur les pratiques culturelles montrent que les femmes participent autant que les hommes à la vie culturelle, que ce soit dans la consommation d'œuvres culturelles que dans la pratique d'activités artistiques en amateur. Et bonjour. Vous avez un souci ou pas ? Non, c'est bon, on avait signalé à la loge que c'était OK. OK, du coup. Pardon. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'elle reste quand même largement minoritaire dans le secteur professionnel. Et c'est ce que nous montre d'ailleurs l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, donc un rapport annuel du ministère de la Culture, dont le premier du genre a été initié par Reine Pratt en 2006 et qui sort tous les ans pour le 8 mars. Alors, que nous dit le dernier rapport ? En 2023, les femmes ne représentent que 14% des directions des 100 plus grandes entreprises culturelles. Et au sein des structures subventionnées, elles dirigent 16% des centres chorégraphiques nationaux, 42% des centres dramatiques nationaux et 17% des SMAC, donc salles de musique actuelles. Elles ne sont pas plus nombreuses dans la création et la programmation. En 2021, elles représentent 26% des réalisations de films, de production ou coproduction française. Et en 2019, on comptait seulement 14% de femmes programmées dans les festivals de musique actuelle. Et enfin, leurs œuvres, elles sont très faiblement consacrées. Elles représentent 3% des réalisatrices de films primés à Cannes depuis 1970 et 15% de la meilleure mise en scène au Molière depuis 1987. Alors, ces constats statistiques, ils permettent de souligner la subsistance d'une mythologie androcentrée du génie, pour reprendre les termes de la musicologue Florence Launay, qui éclaire un phénomène donc de double ségrégation. Ségrégation verticale qui fait référence à la situation dite du plafond de verre et donc à la sous-représentation générale des femmes dans les métiers les plus valorisés et donc les mieux rémunérés. Et puis ségrégation horizontale qui est liée là à une division sexuée du travail et des tâches qui limite l'accès aux femmes à certains corps de métier, donc majoritairement les métiers de la technique, de la production, de la composition, de la réalisation, etc. Et cette conjugaison du génie donc au masculin va nous conduire à interroger aussi le phénomène d'invisibilisation des femmes dans le processus de création artistique. C'est ainsi qu'historiquement donc, les femmes ont été souvent reléguées au rôle de muses, comme le faisait remarquer Geneviève Fraisse en 1989, donc constat qui date mais qui perdure. Hein. Et les femmes ont systématiquement été exclues et effacées du récit historique. Donc, par exemple, Rodin a éclipsé Claudel, Picasso a éclipsé Françoise Gillot, Alice Guy a disparu de l'histoire du cinéma au profit des frères Méliès, par exemple. Ou encore le travail de John Stuart Mill, philosophe et reconnu comme féministe, a masqué celui de sa femme, Harriet Stuart Mill, elle-même philosophe. Donc, phénomène central, et cette surreprésentation des hommes dans les milieux de la culture, ça recouvre aussi le maintien des violences sexistes et sexuelles, comme l'en témoignent les nombreuses polémiques actuelles et les nombreuses plaintes à l'égard de personnalités publiques telles que Harvey Weinstein, Roman Polanski, Gérard Depardieu, Patrick Bruel, Frédéric Becbédé, Gérard Miller, etc., etc. On ne va pas faire la liste, ça serait beaucoup trop long. En Auvergne-Rhône-Alpes, un peu le même phénomène se déroule. Hein. On voit que les processus de ségrégation sont identiques. Et selon l'enquête réalisée par la DRAC en 2021, Les femmes représentent 27% des directions artistiques des structures culturelles du spectacle vivant et 30% de la direction artistique des spectacles programmés sur la saison 2020-2021. Donc s'il existe de nombreuses encore inégalités, de fortes inégalités, la proportion de femmes tend quand même à augmenter et de nombreuses structures proposent aujourd'hui des initiatives pour désinvisibiliser les femmes et autonomiser aussi leurs pratiques. Donc c'est par exemple le cas de l'antenne régionale de AHF en Rhône-Alpes, du collectif par exemple des Canuts à Lyon ou encore de l'association Giddy Up à Saint-Étienne dont on accueillera la fondatrice cet après-midi. Et l'objectif de cette journée, donc, c'est de dresser un état des lieux des inégalités de genre en distinguant deux temps et en combinant des interventions donc sur la situation nationale, voire internationale, avec d'autres davantage consacrées aux situations locales qui vont renvoyer donc aux expériences multiformes des différents groupes d'artistes et de professionnels. Donc un premier temps ce matin, dédié à des conférences de six chercheuses qui éclairent à la lumière de leurs travaux de recherche les rapports de force à l'œuvre dans les mondes de la culture. On va diviser la matinée en deux temps. On va commencer dès la fin de cette présentation et jusqu'à 10h10, 10h15 grosso modo par trois conférences qui seront suivies d'un temps d'échange d'environ une demi-heure. Et puis à 10h40, on fera une petite pause de 20 minutes avant de reprendre à 11h pour un deuxième temps d'échange, pour deux autres séminaires et un deuxième temps d'échange jusqu'à midi. Et puis on reprendra cet après-midi à 13h30 pour la deuxième partie de la journée qui sera consacrée cette fois à une série de tables rondes où seront conviés des professionnels de la culture de Saint-Étienne et ses alentours. Donc chaque table ronde durera 30 minutes avec 15 minutes de temps d'échange à l'issue de chacune des tables rondes. On commencera par une première table ronde où qui portera plutôt sur les situations rencontrées dans les milieux de la culture, sur les enjeux que pose la question des inégalités. Et puis on recevra en visio Gisèle Sapiro à l'issue de cette deuxième table ronde qui est directrice de recherche au CNRS et qui a écrit un ouvrage « Peut-on dissocier l'œuvre de l'artiste ?» publié chez Seuil en 2021. Et sa communication fera écho à notre deuxième table ronde qui portera du coup sur cette dissociation homme-œuvre-artiste et sur les violences sexistes et sexuelles dans les milieux de la culture. Et puis on finira sur ces tables rondes avec une dernière qui portera plutôt sur les pratiques de terrain et le positionnement féministe dans les milieux de la culture. Et on finira en fait cette journée par un petit compte-rendu des ateliers qui ont eu lieu hier à l'ESADS et qui portaient sur l'Omerta, co-organisé par Delphine Ivrier et Uriel Virasamy-Thiolier. Donc cette journée, c'est une première sur notre territoire, d'après Serge Proust. On est ravis de pouvoir l'organiser, du coup. Et on envisage sérieusement surtout de pouvoir la pérenniser, la renouveler dans le temps et dans les années qui arrivent. Peut-être que ces échanges aussi formels et informels qui vont pouvoir avoir lieu au cours de cette journée pourront permettre de débattre d'une éventuelle participation, notamment aux futures journées du matrimoine qui auront lieu les 21 et 22 septembre prochains.